je me promenais seul sur les quais. Quand au loin je l'ai vue arriver, elle avait un air si malheureux, des larmes mouillaient ses jolis yeux. Elle et moi, on avait le cœur brisé. Elle et moi, on devait se rencontrer. Elle a hésité un court instant avant de me sourire gentiment. On a parlé de tous nos chagrins. On s'est retrouvés main dans la main. Elle et moi, on avait le cœur brisé. Elle et moi, on devait se rencontrer. Continue tout seul mon chemin. Ce soir le ciel brille de mille.